plante préhistorique suscitée. Une équivoque a réussi à faire naître des fleurs à partir de grains enterrés par des sécoureurs il y a environ 32 000 ans dans les sous-sols gelés sibériens. Pour réaliser cet exploit, ils sont ensuite prélevés des tissus immatures du placentaire contenus dans ces races qui sont placés en culture in vitro. Les cellules se sont rapidement développées. Ils sont alors placés, cet embryon en terre, sous une lumière et une température contrôlée.